Chapitre 16e. Perdus tous deux dans les steppes infinies. La vie heureuse s'ouvrait enfin pour Gaston. Une femme belle entre toutes, qu'il idolâtrait, foulait aux pieds préjugés de race, exigence de l'opinion pour lui dire « Viens avec moi, peu importe ce que dira le monde. N'es-tu pas l'élu qu'a choisi mon cœur ? Que pouvait-il désirer de plus ? Adrienne était heureuse de souffrir, car la cause de son mal c'était celui qu'elle aimait, et c'était à ses yeux la preuve la plus éclatante qu'elle pût donner de son amour. Ils se rejoignirent à Nice. La duchesse ne fut pas depuis quelques jours sous l'influence de ce beau climat, qui semble l'aurore de celui d'Italie, que la toux l'abandonna presque entièrement. Les forces lui revinrent, sa bouche recouvra la fraîcheur d'une bouche d'enfant, et la jeune femme semblait ressaisir la vie et la santé, cette cause première de toute beauté. Le médecin lui-même eut un instant confiance. Le mal n'était peut-être pas aussi imminent qu'il se l'était imaginé. « L'amour est le grand et éternel médecin, » se disait-il, « le soleil et lui feront tout, pourvu toutefois que le soleil ne se couche pas trop tôt, et que l'amour ne corrode pas la plante qu'il doit chauffer. » Jugeant sa présence inutile, il prit congé de la duchesse pour retourner à Paris. Lorsqu'il la vint trouver pour lui faire ses adieux, elle parut fort triste. Elle lui reprocha de la laisser seule, et obtint de lui qu'il resterait quelques jours encore, puis partirait pour revenir et aller avec eux en Italie. Le docteur accéda à ce désir qu'il ne comprenait pas très bien. Un soir qu'ils se promenaient tous trois sur le bord de la mer au sein d'un air tiède imprégné des vivifiantes saveurs marines, Adrienne, qui pendant toute la promenade s'était appuyée sur le bras de Gaston, s'approcha de leur vieil ami. « Vous faites bien mal de nous quitter, » lui dit-elle de sa belle voix musicale. « N'est-ce pas ? » ajouta-t-elle en se tournant vers Gaston, « que notre ami nous manquera ?» Gaston, qui vivait de son amour, jeta un oui du fond du cœur, c'est-à-dire un oui loyal et sincère, et il tendit la main au docteur. Celui-ci serra en même temps la belle main blanche d'Adrienne et celle du jeune homme. Elle s'appuya contre son ami pour se mettre à l'abri. « Je crains de vous voir vous éloigner, » lui dit-elle tout bas, « restez. Je reviendrai. Bientôt, car voyez-vous, j'ai peur. »« Faut-il l'emmener ?» répondit le vieillard en sentant les battements précipités du sein qui semblait vouloir s'échapper des entraves de soie qui le retenaient. Adrienne ne répondit pas. Les vœux de Gaston s'étaient fixés sur les siens. La flamme de la passion n'avait pas encore remplacé la sérénité du regard, qui se complaît quelquefois dans un amour idéal et impossible. Le docteur partit. Sa malade lui souhaita du fond du cœur prompt retour. Gaston n'habitait pas le même hôtel que la duchesse, celle-ci s'y était opposée. Il venait le matin à 10 heures et la quittait le soir, jamais après minuit. Le lendemain du jour du départ du médecin, quand les deux amants se revirent, ils sentirent le rouge leur monter au visage. Un trouble insolite agita l'amante. Gaston ne put se défendre d'une émotion pareille. On eût dit deux enfants tout à coup échappés à l'œil d'un surveillant. Elle s'aperçut que si son trouble durait plus longtemps, elle était perdue. Elle ouvrit la fenêtre et laissa venir l'air à flot. Gaston s'était approché d'elle. Entourant sa taille, il l'entraîna lui-même à respirer cet air, et tous deux, ils s'accoudèrent sur le coussin de velours qui garnissait la balustrade. On aspirait je ne sais plus quel parfum qui ne vient ni des fleurs ni de la verdure, mais de l'air, et de l'air à une époque de l'année. Gaston avait toujours le bras autour de la taille de sa bien-aimée. La tête d'Adrienne, avec son auréole d'or, reposait sur son épaule et le regard plongeait dans le bleu profond des cieux. Il ne parlait pas, il ne riait point, leurs pensées n'existaient plus. Il vivait d'une vie extraterrestre, cette vie qui est de si courte durée et que tout homme se remémore avoir vécu une ou deux fois seulement dans le cours de son existence. La brise dérangeait les longues boucles d'or d'Adrienne et les jetait au visage du poète, double parfum qui pour lui se mêlait à celui de l'air. « Voilà comme je t'aime, oh mon Gaston, » dit-elle tout à coup, en faisant un collier de ses bras autour du cou de son amant. « Comme cela, tout près de moi, en sentant tes embrassements de frère et sous l'œil des cieux. Que l'amour calme et doux est bon, comme il est doux de se sentir vivre de l'infini en confondant ses pensées. » Tu m'aimeras de la sorte, n'est-ce pas, mon bien-aimé ? tu m'aimeras toujours, comme je t'aime en ce moment. Je ne veux plus, quand mes yeux plongeront dans les tiens, y trouver rien d'étrange, jamais plus. Je ne veux y démêler une expression qui m'effraie. Qu'il soit toujours calme et limpide comme cela. » Et elle le baisa au front. « Tu me le promets, n'est-ce pas ?» Ses beaux yeux bleus imploraient. L'amant attira à lui la maîtresse de son cœur, rapprocha ses lèvres du front pur et dit « Oui, fleur de mon âme, mais le baiser était brûlant. » Ils commencèrent donc la vie à deux. Cette vie si aimable, si bonne, et qu'on comprend si peu. Cette vie si belle qu'on ne saurait la supporter longtemps parce qu'elle énerve, parce qu'elle brise. Semblable en cela à ces vins dorés d'Espagne qui tuent la pensée par l'excès de surexcitation qu'ils lui donnent. Cette vie nouvelle avait pour eux un charme inouï. Le poète avait longtemps rêvé cette vie toute de douces émotions, de pensées, de délicatesses infinies, cette vie si complète en un mot qui fait que l'âme, cette amoureuse d'infini, ne désire plus rien, et il la savourait. Adrienne l'avait entrevue du jour où elle avait commencé à aimer. Elle en jouissait tout à coup sans entrave, loin de tout ce qui pouvait la rompre, loin des jalousies féroces du monde dans lequel elle avait vécu. Elle était folle de l'être qui lui faisait le présent si beau. Toutes les femmes ne connaissent pas ces joies, si ardentes par cela même qu'elles sont plus profondes, parce que chez toutes, on ne rencontre pas l'abandon si entier de soi et de sa personnalité, parce que chez toutes, le don d'elle-même n'est pas si généreux et si complet. Adrienne n'avait cependant donné que son cœur. Les jours s'écoulaient dans un ravissement continuel de l'un pour l'autre. Adrienne se parait pour Gaston. Elle revêtait les toilettes et les coiffures qu'il préférait. Quand son amant se présentait le matin, il trouvait toujours dans sa manière d'être la préoccupation constante de lui plaire. La jeune femme, pourtant, n'avait pas besoin de toutes ces subtiles inventions pour captiver. Elle possédait en entier et pour jamais le cœur de son amant. Lui, cependant, était reconnaissant de tous ces riens qui prouvaient tout son amour et qui gravitaient, pour ainsi dire, autour du grand centre, le cœur. C'était un charmant spectacle pour les étrangers et les promeneurs fatigués d'eux-mêmes que de voir ces deux êtres, qui à eux deux formaient l'âge d'hommes mûrs, réunir tant de beauté, de vie et de bonheur. On les étudiait, on les contemplait. On est rarement jaloux de félicités auxquelles la fortune est étrangère. La duchesse avait été invitée dans plusieurs salons. Elle y fit une courte apparition, rien que pour répondre à l'appel. Jamais elle ne franchissait le seuil d'un salon qu'un murmure flatteur ne l'accompagna. Pour elle, toujours bonne et gracieuse, elle ne ressentait que le bonheur que Gaston éprouvait de se la voir enviée par tous. L'orgueil qu'elle inspirait au jeune homme la rendait fière. Mais jamais elle ne restait longtemps. Sa santé, disait-elle, lui interdisait toutes sortes d'excès. Elle faisait l'effet d'une splendide étoile qui tout à coup se détache sur le bleu des cieux, puis au bout d'un instant disparaît, laissant après elle une traînée lumineuse. « Ma joie, semblait-elle dire en prenant la main de Gaston qui toujours la reconduisait, je la lis dans ses yeux-ci. » La duchesse de Bussiardin était fort connue dans ses salons parisiens, transplantée à quelques pas des Alpes. On l'admirait, et l'on jalousait fort Gaston auquel on n'avait pas tardé à changer le nom d'ami en celui d'amant. Ici, la faute n'était pas au monde extérieur, qui jugeait par ce qu'il voyait. Adrienne n'ignorait rien, il lui importait peu. Le docteur était venu et reparti. Sa malade se sentait si heureuse. Le printemps puis la moitié de l'été s'écoulèrent ainsi au milieu des joies les plus pures que puissent goûter deux êtres qui s'adorent. Le mari avait écrit à la femme quelques lettres, toutes empreintes d'une affection paternelle. Celle-ci en avait été touchée tout en éprouvant un certain déplaisir. « Je ne compte pas encore aller vous rejoindre, lui avait-il écrit dans la dernière. « J'attendrai une invitation de votre part. » Cette dernière lettre, Adrienne l'avait reçue pendant qu'elle déjeunait en tête-à-tête avec Gaston. Elle froissa la lettre, puis regarda la mère qu'on voyait de l'appartement. Ses longs cils se baissèrent avec fréquence comme chez une personne que gagne l'émotion. Une larme furtive descendit sur ses joues. Gaston tomba à ses pieds et la couvrit de baisers. « Qu'y a-t-il donc, ma bien-aimée ? Lui dit-il en s'emparant de la lettre. Voudrait-on t'arracher à moi ? Nulle réponse. Elle abandonna la lettre et le regarda. Que feras-tu ? S'écria Gaston d'une voix vibrante. Ce que j'ai toujours fait, je t'adore. Tu es un ange, ô mon Adrienne. Que faut-il que j'invente pour te prouver mon amour ? Parle, dis, que veux-tu ? La jeune femme tenait dans ses mains la tête de son amant. Elle le regarda longtemps sans mot dire, puis, l'embrassant, « Je n'écrirai pas. Nous partirons pour l'Italie. La lettre aura été égarée. »« Pourtant, ajouta-t-elle, je sens que je fais mal. Cet homme est mon mari. Je lui appartiens parce que je l'ai voulu. Je suis sa chose. » D'un bond, Gaston se releva. Ses yeux brillaient d'une passion farouche. « Tu l'aimes donc, cet homme qui t'a prise comme on prend un joyau pour se parer ? Tu ressens donc quelque chose pour cet homme qui a trois fois ton âge ? Qui n'a fait de toi sa femme que parce que tu t'es belle ? Parce que tu avais un beau blason ? Qu'il vient bien s'accoupler avec le sien sur le panneau d'un carrosse ? Cet homme qui n'eût pas rougi de te voir des amants ? Parce que, dans la sottise de sa race, le mari n'est qu'un prête-nom et le mariage un moyen ? Enfin, parce que tu es une héritière ? Gaston, comme tu es injuste ! Plus je vais, plus je t'aime. Mais plus mon amour s'accroît, plus je comprends le mot « devoir ». Cet homme n'est plus un mari pour moi, c'est un père. Et je lui appartiens. Un lien sacré nous unit. Ce lien, je dois le respecter. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Puis, pour toi-même. Oh, ma passion ! Il y a longtemps que si je n'eusse pas aimé, je serais coupable. Vous autres hommes, vous ne comprenez pas cela. Mais toi, Gaston, tu n'es pas un autre. Tu diras que j'ai raison. N'est-ce pas, mon amour ? Crois-tu que je ne souffre pas de ne pouvoir être à toi comme je le voudrais ? Dieu me punit d'avoir envisagé le mariage comme un moment nécessaire dans la vie de la femme. À l'heure qu'il est, j'expie. Mais ton amour me récompensera de tout. S'il en était autrement, vois-tu, j'en mourrais. Il est nécessaire à ma vie. Je ne suis pas bien forte. Le médecin me croit mieux. Je souffre là, et du moment où le jour des larmes sera arrivé pour moi, c'est-à-dire le jour où ton cœur me manquera, je m'éteindrai. Je ne tousse plus pendant le jour, vois-tu, mais c'est la nuit. Si tu savais, comme c'est tout, me déchire. Bah, je ne me fais pas illusion. Tais-toi, interrompit Gaston, tu me fais mal. Ce que tu feras sera bien fait. Que suis-je pour que tu veuilles bien m'aimer ? Ce que tu es ? L'ange que Dieu a mis sur ma route pour m'empêcher de me perdre, cher trésor. Cette conversation du matin avait un peu fatigué Adrienne. Ils ne sortirent pas l'après-midi. Le soir, seulement à la fraîche, ils allèrent faire la promenade accoutumée. La jeune femme était gaie. Le nuage qui avait comme un de ces grands filets blancs qui, dans les beaux jours, troublent l'harmonie d'un ciel bleu, attaquaient leur horizon le matin, était disparu. Une fois rentrés, ils restèrent plus longtemps que de coutume ensemble. Adrienne ne le renvoyait pas comme toujours en appelant Jenny. Minuit allait sonner. « Je me sens fatiguée, » dit-elle enfin. Gaston sortira. Il était encore sur la porte qu'elle courut légèrement après lui. Lorsqu'il se retourna, il rencontra ce frais visage qui demandait un salaire dont il allait être sevré jusqu'au lendemain. Jenny, après être restée quelques instants avec la duchesse, sortit pour rentrer dans sa chambre qui était contiguë au cabinet de toilette de sa maîtresse. En sortant, elle heurta Gaston. L'amant attendait. « Que fait-elle ? » lui dit-il à voix basse. « Elle écrit. » Un nuage passa sur le front du poète. « Veux-tu me laisser un instant reposer dans ta chambre ? » dit-il à la jeune fille. Jenny, qui savait leur amour à tous deux, les laissa entrer et s'y rendit avec lui. « Je m'en vais, » dit au bout d'un instant le jeune homme. Il sortit en effet, mais ne descendit pas l'escalier de l'hôtel. Il remonta et vint près de la porte d'Adrienne. Sa conscience lui soufflait qu'il faisait une mauvaise action. Il trembla, puis regarda par la serrure. Il y avait encore de la lumière. Adrienne n'était pas couchée. Son cœur battit violemment. Il avait saisi, sans que Jenny s'en aperçût, la clé de l'appartement de la duchesse. Il la tenait en main. Il hésita, puis, la passion l'emportant, il ouvrit. la portière qui recouvrait la porte à l'intérieur avait empêché la duchesse de rien entendre. Gaston était entré dans l'appartement, la respiration lui manquait. Debout, il admirait à quelques pas de lui cette femme qu'il idolâtrait. Et cette femme, belle comme un rêve, pure comme une madone, aimante comme une madeleine, n'avait pour se couvrir qu'un peignoir blanc, à travers lequel toutes les rondeurs du corps apparaissaient dans toute leur perfection raphaëlesque. La gorge était entièrement voilée, mais le tissu la modelait avec le charme que laisse le vague des traits non arrêtés. Gaston eut honte. Violer ainsi les secrets d'une femme, il eût voulu retourner. Au même moment, il aperçut la lettre écrite, et l'audace l'emporta. Il sortit brusquement de derrière la draperie. Un cri s'arrêta dans la gorge d'Adrienne. Une main, croisée sur la poitrine, elle recula jusqu'à la fenêtre. L'amant s'avança et la saisit dans ses bras. « Laisse-moi, » fit-elle avec désespoir. « Sors ou j'appelle. J'en ai le droit. Gaston, était-ce donc là ce que vous m'aviez promis ?»« C'était ma raison qui avait promis, et je ne l'ai plus. Tu seras moi, » continua-t-il d'une voix qui ressemblait à un râle. « Jamais, car vous êtes un lâche. » À ce mot, Gaston cessa d'étreindre ce corps qu'il rendait fou. Pâle et échevelé comme une femme qu'on arrache à un incendie, Adrienne ne se soutint plus, elle s'affaissa sur le carreau. « Pardonne-moi, » lui dit son amant. « Oui, je suis un lâche, un larron d'amour. Je ne mérite plus que tu m'aimes, j'ai abusé de toi. Ne me méprise pas, je t'en conjure. J'étais toute la journée près de toi, et vois-tu, je suis ivre. » « Te mépriser ?» lui dit Adrienne en lui tendant la main. « Il faudrait pour cela ne plus t'aimer. » « Tu m'aimes donc encore ?»« Il le demande. Mais qui t'a donné cette clé ?»« Je l'ai volée à Jenny. » Adrienne ne put s'empêcher d'embrasser son amant. « Bah, » lui dit-elle, « et jure-moi sous notre amour de ne jamais plus me demander ce que je ne peux te donner. » Gaston le jura dans un des plus dangereux baisers que jamais amant se soit donné avant d'être uni. Adrienne craignait que ses forces l'abandonnassent. Elle pria Gaston de sortir. L'aube faisait déjà pâlir les bougies. Le lendemain, avant que d'avoir revu son trop aimé poète, la duchesse avait écrit au duc. « Je vous attends, vous et le docteur, pour partir pour Florence. »